fidèle, toujours honnête, il faudrait que je sois un autre. 30 ans passés et sans apôtre, je n'existe que dans les fêtes. Les corbeaux sauvages survolent mon cerveau, noirâtre et fou. Je suis pieux, pas à genoux. Explorer les terres dans mon cerveau anesthésié.